Dans la période d'intense recherche pharmacologique que nous traversons, il est souvent question du temps, de l'investissement que représente la découverte d'un nouveau médicament. Pour certains d'ailleurs, tous les médicaments ont déjà été découverts peu ou prou, et l'essentiel de la recherche aujourd'hui concerne le repositionnement ou la réutilisation de médicaments déjà connus pour un usage sur d'autres pathologies. C'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Grâce à ses facultés de calcul et d'apprentissage, certains moteurs permettent de tester à très large échelle des associations de molécules in silico avec deux avantages immédiats, le raccourcissement du temps de développement et la possibilité de voir émerger de nouveaux médicaments. Sur ordonnance, c'est le programme bioinformatique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique en direct. Et oui, car en direct, nous sommes pour la deuxième semaine d'affilée après la pause provoquée par le confinement pour évoquer donc les avancées dans cette recherche bioinformatique et les enjeux immenses, vous allez l'entendre, que soulève le développement de nouvelles molécules via l'assistance de l'intelligence artificielle. Alors on dit l'intelligence artificielle, comme toujours, on va préciser tout ça, c'est un terme générique pour le moment. Néanmoins, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui et donc à distance Chloé Azencot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et maîtresse de conférences au Centre bioinformatique CBIO de Mines Paris Tech en collaboration avec l'Institut Curie, et Maximilien Levesque, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur d'Akemia, qui est donc une entreprise qui fait précisément de la recherche de médicaments via IA. Vous êtes également ex-directeur de recherche à l'École normale supérieure. D'ailleurs, peut-être qu'on peut s'accorder tout de suite pour commencer sur la terminologie. Est-ce que, on sait bien, pour en avoir parlé beaucoup à ce micro, qu'intelligence artificielle, c'est un terme très vague qui ne signifie pas grand-chose. Est-ce qu'on peut trouver peut-être une terminologie un peu plus précise? Quel est le type de machine ou de programme que vous utilisez, ou de système informatique, pour justement travailler sur le développement de ces nouvelles molécules et la recherche en bioinformatique? Chloé Azencot, pour commencer. Alors, moi, je vais vous parler uniquement d'apprentissage automatique, déjà, pour restreindre un petit peu le champ de l'IA. Je travaille à la fois sur des outils d'apprentissage profond, le fameux deep learning, et sur d'autres outils plus classiques de cet apprentissage automatique. Donc, apprentissage automatique, Maximilien Levesque, c'est sur ce type de mécanique que se basent les machines qui travaillent sur la recherche de nouvelles molécules? De notre côté, en fait, on utilise plusieurs types d'intelligence artificielle ou d'apprentissage automatique, à la fois, par exemple, des méthodes génératives pour inventer complètement de nouvelles molécules qui n'ont jamais été synthétisées. Donc ça, c'est vraiment de la génération, et puis aussi de l'apprentissage automatique de propriétés de ces molécules, et tout ça couplé avec de la physique théorique très très rigoureuse qui n'est pas de l'intelligence artificielle. Alors, on a beaucoup entendu parler, on en avait parlé d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, dans le Journal des Sciences, ou à l'occasion d'une table ronde du vendredi consacrée à l'actualité scientifique, d'un antibiotique. Alors, il faut jamais dire miracle quand on parle de médicaments, mais on va le dire une fois, on le redira plus après. L'allicine, qui est d'ailleurs nommée d'après HAL 9000, je sais pas si c'est très rassurant, parce que c'est quand même un robot assez méchant dans 2001. Et donc, cet antibiotique développé via une IA, via une intelligence artificielle, et qui arrivait à lutter contre de nombreuses bactéries antibiorésistantes. Est-ce que c'est un cas d'école? Est-ce que c'est la preuve concrète, la preuve de concept finalement, qu'on peut arriver à développer des molécules plus efficaces que ce qu'on trouve en recherche biomédicale traditionnelle, ou est-ce que ça a été un peu gonflé peut-être justement dans la façon dont ça a été présenté? Qu'en pensez-vous, Maximilien Levesque? Je suis pas spécialiste de cette molécule, mais je crois qu'elle est symptomatique de tout ce que vous dites. C'est un peu gonflé, oui, mais en même temps, je crois qu'on vit l'avènement de la digitalisation au sens large des algorithmes et de l'intelligence artificielle dans le monde de la pharma. Et donc, ça arrive à brûle pour point, mais enfin, voilà. Qu'en pensez-vous, Chloé Azencot? Ça a été un peu survendu, cet antibiotique incroyable qui arrive à lutter contre les bactéries antibiorésistantes, ou est-ce que c'est effectivement, une fois de plus, une preuve de concept très solide? Alors, pour savoir si ça a été survendu, je pense qu'il faut attendre un petit peu, hein, pour voir finalement ce qu'il en sort, mais... Ce qui me paraît être effectivement, c'est un exemple de l'aboutissement de domaines de recherche dans lesquels il y a eu des développements assez poussés depuis, je sais pas, 10-15 ans, ou un peu plus même. Et peut-être que effectivement, enfin voilà, c'est comme toujours, une découverte, c'est jamais une découverte de génie sortie d'un seul travail et d'un seul esprit. C'est toujours on s'appuie sur les épaules des géants, comme on dit. Donc c'est l'aboutissement effectivement de ce domaine. Et c'est vrai qu'on voit maintenant que les choses bougent et que on arrive à utiliser les technologies d'apprentissage pour proposer des nouvelles molécules prometteuses pour du vrai. Une question aussi, parce que comme ça on évacue tous les topos dès le début et puis ensuite on peut rentrer un peu dans le dur du sujet. On lit beaucoup hein, dès qu'on commence à s'intéresser à ce qui a été écrit, à la littérature et notamment à la littérature médiatique sur la question que l'IA en recherche pharmaceutique c'est un peu la poule aux œufs d'or. J'ai trouvé des chiffres absolument ahurissants. On parle d'une croissance de marché de 50% tous les ans, estimée à 2,1 milliards de dollars en 2018 pour atteindre 36 milliards en 2025. Là aussi, c'est un fantasme journalistique ou c'est une réalité? C'est un marché aujourd'hui qui concentre énormément, énormément d'investissements. Maximilien Levesque. De ma lucarne, il y a énormément d'intérêt, à la fois des investisseurs, vous parlez d'investissement, mais aussi bien sûr de la pharma, mais dont le but est simplement et très morale de trouver des médicaments et y voilà des opportunités, des exemples, vous en avez donné un juste avant. Est-ce que l'IA commence, après des années de recherche académique, de recherche dans les labos, de recherche dans les startups, commence à trouver des médicaments intéressants, commence à trouver des choses qui peut-être soigneront des gens. Donc il y a une sorte d'emballement que je vois au quotidien. Ouais. Chloé Azincode, de votre côté aussi, vous constatez la même chose? Oui, et en même temps, il faut peut-être relativiser un petit peu, développer un médicament de manière traditionnelle, ça coûte aussi très très très cher. Enfin, vous aurez différentes études qui vous donneront différents chiffres, mais on s'accorde généralement sur des temps de développement qui durent de 10 à 15 ans et des coûts qui vont de 1 à 2 milliards de dollars. Donc, c'est pas étonnant qu'une solution qui commence à marcher et qui promet pardon d'arriver à réduire ses coûts provoque autant d'emballement. Justement, c'est une transition parfaite que vous me permettez, puisqu'on va justement, avant de comprendre comment l'intelligence artificielle peut intervenir dans le process justement de la fabrication et de la découverte surtout de nouvelles molécules, on va s'intéresser à la façon aujourd'hui dont on crée, dont on cherche de nouveaux médicaments à l'ancienne, de façon analogique. Vous allez voir qu'il y a tout de même un peu de robotique. On va en parler tout de suite dans une seconde. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et nous parlons donc de bioinformatique, hein, de pharmacologie liée à l'intelligence artificielle tout au long de cette heure. Comment l'intelligence artificielle permet-elle aujourd'hui de créer, de développer de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules? Nous en parlons avec Maximilien Levesque et avec Chloé Azincote. Peut-être un mot, je le disais dans l'introduction, quelqu'un d'ailleurs, un médecin très médiatique, a récemment redit ce qu'on pourrait penser comme étant un autre topo, c'est qu'aujourd'hui finalement, on ne trouve plus ou quasiment plus de nouvelles molécules, que c'est très difficile, qu'on travaille par repositionnement beaucoup, par analogie, mais que des molécules totalement nouvelles, c'est de plus en plus difficile de les sortir du chapeau, qu'on a déjà quasiment tout inventé en termes de médicaments. Ça aussi, c'est un topos ou c'est un peu vrai, Chloé Azincote? Alors, je pense que Maximilien sera peut-être plus à même que moi de vous répondre sur cette question, puisqu'il travaille là justement à la génération de nouvelles molécules. Mais c'est vrai que il y a eu un certain désenchantement sur les possibilités des techniques existantes pour trouver des nouveaux médicaments et que pas mal de gens ont préféré se concentrer sur d'une part le repositionnement et d'autre part l'optimisation de molécules déjà existantes. Maximilien Levesque. Je pense qu'il y a des ordres de grandeur à avoir en tête qui sont extraordinaires en pharma. C'est que si une molécule thérapeutique, si un médicament, c'était un médicament, c'est un grain de sable. Il y a autant de molécules possibles dans toute la pharmacopée imaginaire que de grains de sable sur toute la Terre. Et si vous prenez toutes les molécules qui ont un jour été testées, qui sont dans des brevets, etc., c'est comme si vous remplissiez un petit seau de ces grains de sable, ces quelques millions de molécules. Donc vous voyez la différence entre ce qui est connu, et quand je dis connu, c'est à force d'aller frotter des grenouilles avec des cotons-tiges et de ramener au bout du coton-tige des molécules extraordinaires qu'on met dans la chimiothèque du laboratoire pharmaceutique, et puis l'ensemble des possibles qui, lui, s'ouvre à l'intelligence artificielle, justement. Alors, justement, pour rappeler un peu comment ça se passe, comment on fait de la recherche en pharmacologie traditionnelle, comment ça se passe d'habitude, Chloé Azencote? Comment est-ce qu'on développe un médicament? Quelles sont les étapes normales? Alors, je vais me concentrer sur ce qui est le plus fréquent. Déjà, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'un médicament, dans la plupart des cas, c'est une petite molécule qui se lie à une protéine, qui est une molécule beaucoup plus grosse. Et donc cette protéine, il y a un gène qui code pour elle et elle joue un rôle dans soit dans le corps humain, soit éventuellement dans le pathogène, si c'est une bactérie par exemple. Et donc cette protéine qu'on appelle une protéine cible, c'est elle dont on veut perturber l'action. Donc par exemple, on veut perturber une protéine qui est essentielle à la reproduction d'une bactérie, et c'est comme ça qu'on fait un antibiotique. Donc la première étape, c'est l'étape d'identification de cible, et ça c'est déjà une énorme question en soi. On peut considérer que c'est le travail d'une grande partie de la génétique humaine. Et une fois qu'on a identifié cette protéine cible, la deuxième étape, ce qu'on appelle le criblage, va être d'identifier une petite molécule qui se lie à cette protéine. Donc on parlait tout à l'heure de chimiothèque, donc on prend les composés qu'on a dans son laboratoire et puis on fait des expériences pour savoir si la protéine qui nous intéresse se lie dans une boîte de pétri dans une éprouvette pour commencer, on va dire, si la protéine, les molécules qu'on a se lient. Je vous interromps juste là, parce que c'est cette étape-là qui, je pense, qu'il est important de bien conceptualiser, de bien comprendre pour nos auditrices et nos auditeurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié cette petite protéine de surface, mettons une protéine spike pour parler aujourd'hui du coronavirus, on l'a identifiée, on sait comment elle est faite, on voit comment elle est déployée en 3D, on sait à peu près comment elle fonctionne. Une fois qu'on a ce modèle-là, est-ce qu'on peut reprendre cette image que j'ai moi, par exemple, utilisé plusieurs fois pour essayer d'expliquer les mécanismes virologiques? Est-ce qu'on peut reprendre? On dit, bon, on a la forme de la clé, maintenant on va chercher la serrure. Est-ce qu'il y a quelque chose finalement qui est comme ça, ou est-ce qu'on prend un peu au hasard en se disant, par analogie, bon, ben, ça marche sur une protéine qui est une sorte de protéine un peu similaire, sur une sorte de virus similaire? Quelles sont les approximations? Parce que sinon, on imagine bien que le nombre de possibilités devient stratosphérique. Alors les deux sont possibles. On peut utiliser une modélisation fine des interactions entre molécules et protéines. Donc c'est le domaine de Maximilien, hein, pas le mien. Mais déjà, on part ici du présupposé qu'on connaît très bien la structure de la protéine. Ce qui n'est pas du tout gagné en fait, et qui peut faire intervenir aussi de l'apprentissage automatique de l'IA pour arriver à déterminer la structure de cette protéine, qui n'est pas une chose facile. On peut travailler aussi en allant au hasard. Et on peut y aller au hasard, soit en laboratoire, en essayant tous les composés qu'on a, et voir s'ils se lient ou pas à cette protéine. Ça marche, oui. On peut y aller au hasard de manière informatique, en utilisant un programme d'apprentissage automatique, un modèle qui a appris quelles sont les caractéristiques des protéines et des molécules qui se lient bien entre elles, et en l'appliquant à une liste virtuelle de molécules. On verra tout à l'heure, hein, on reviendra exactement sur la façon dont on introduit justement de l'apprentissage assisté ou de l'intelligence artificielle là-dedans. Là, pour le moment, sur une méthode, disons, traditionnelle, aujourd'hui, comment ça se passe, comment vous le décririez avec vos mots, Maximilien Levesque, justement cette étape de la sélection des molécules candidates et du criblage? En fait, vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, c'est la sélection parmi un trousseau de clés immense de la bonne clé pour le verrou qui est la cible thérapeutique qui est responsable à un moment dans le mécanisme d'une maladie. Donc aujourd'hui, avec mes mots, d'un point de vue numérique, on a une liste de ces molécules et ces molécules sont testées une à une et trier en fonction de leur affinité pour la cible thérapeutique. Alors le joli mot scientifique derrière affinité, j'en profite pour le dire, ce qui est vraiment joli, c'est l'énergie libre de liaison de la molécule, la petite molécule avec sa cible. Mais en fait, donc ces clés, ces molécules sont triées les unes par rapport aux autres. On en sélectionne une poignée de dizaines de ces molécules qui ensuite passent dans des tests expérimentaux. Elles sont synthétisées, elles sont testées et les meilleures d'entre elles avancent dans ce qui s'appelle, enfin dans le pipeline pharma. Mm-hmm. Dans le tuyau. Alors justement, on parle de quelle échelle de valeur, c'est-à-dire combien de molécules sont testées initialement, vraiment au premier niveau, si vous voulez, et puis petit à petit, on réduit pour en arriver. On va arriver ensuite à un parcours que nos auditrices et nos auditeurs connaissent certainement, qui est celui des essais précliniques et des essais cliniques, etc. Mais dans toute cette première phase de criblage, on part de combien pour arriver à combien, Maxime Levesque? Alors on part littéralement de plusieurs millions de molécules qui sont on part de plusieurs millions de molécules et l'objectif c'est d'arriver à une grosse poignée de molécules. Aujourd'hui on vit dans un paradigme où si on veut cribler, tester, screener 1 million de molécules, on est obligé de le faire super vite. Parce que si vous faites 1 million de fois un calcul qui dure une semaine, je vous laisse faire les mathématiques, ça marche pas très bien. Soutenable. Donc en fait, le tuyau d'aujourd'hui, et c'est celui d'ailleurs qu'on veut disrupter avec Akemia, le tuyau d'aujourd'hui, c'est je fais d'abord un screening très rapide qui malheureusement aujourd'hui est très peu précis, très proche de l'aléatoire. Donc on passe de millions à quelques centaines à milliers. Et après, on peut faire des premiers calculs beaucoup plus lents, de l'ordre de la journée, qui, eux, permettent de faire de trier beaucoup plus finement, mais beaucoup plus lentement. Donc ça, c'est le paradigme d'aujourd'hui, et c'est justement, c'est au cœur de la proposition de valeur d'Akemia, et c'est ça qui vient de l'école normale supérieure. C'est une méthode qui est à la fois très précise, hein, c'est-à-dire qu'elle a la précision expérimentale, et la précision de ces calculs qui, normalement, se font lentement, mais de les faire assez vite, 10 000 fois plus vite, pour pouvoir trier l'ensemble, les millions de molécules à l'entrée. Mais avant d'en arriver, encore une fois, à l'apport de l'intelligence artificielle et des différentes techniques d'apprentissage supervisé, il y a des techniques classiques, Chloé Zenkot, de ce qu'on appelle de criblage à haut débit, qui permettent tout de même de tester à la chaîne, sans avoir à faire tourner des modèles informatiques très longs ou très très très très puissants, d'essayer vraiment, de manière un peu systématisée, plein de molécules pour pouvoir en éliminer un grand nombre très rapidement, non? Oui, alors c'est la version paillasse de ce que Maximilien vient de décrire, c'est-à-dire que donc l'idée, ça serait si on le faisait soi-même, qui est une armée de techniciens et techniciennes qui prennent des tubes à essai et pipettent la protéine et la molécule qu'on veut tester, donc toujours le même million ou les mêmes millions de molécules qu'on veut tester, pour ensuite observer expérimentalement ce qui se passe. Ça coûte évidemment très très cher. Et puis, là où on a un apport de la robotique, c'est que c'est des choses qui sont faites de manière complètement automatisée dans les laboratoires pharmaceutiques de nos jours. Et donc, si on prend le fil rapidement, parce qu'on va bien en venir au cœur du sujet, si on prend le fil rapidement en termes, vous dites, ça prend évidemment beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'on parle en années, et puis ensuite on va arriver sur les essais précliniques, même sur les essais précliniques, c'est-à-dire au stade animal, on a encore un certain nombre de molécules. Tout ça, vous pourriez nous donner justement une idée globale du temps que ça peut prendre et éventuellement même du pourcentage de résultats qu'on a, des statistiques que ça donne au final par rapport au nombre de molécules qui étaient utilisées ou en tout cas testées depuis le début, Maximilien Levesque. Alors, il faut se rendre compte des chiffres dont on est en train de parler, c'est-à-dire qu'on est en train de dire, enfin déjà, tout le cycle de l'identification de cette cible thérapeutique dont on a parlé, dont Chloé a parlé tout à l'heure, jusqu'aux médicaments qui arrivent sur le marché, c'est-à-dire qui soignent des gens vraiment, il se passe 10-12 ans, il se passe de l'ordre de 2 milliards d'euros, et on est passé de plusieurs millions de candidats, de molécules candidates, à une molécule. Quand on fait cette première phase de screening dont on vient juste de parler... Screening, c'est criblage, je précise juste. On utilise les deux, mais pour que les gens comprennent qu'on parle de la même chose. Oui, tout à fait. Screening, et d'ailleurs, ça veut dire filtrer en anglais. On filtre le million pour en arriver à quelques poignées. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, si on fait les maths de façon très très rigoureuse, avec les méthodes d'aujourd'hui, il y a plus de chances de gagner au loto que de trouver dans cette base de millions de candidats la meilleure molécule, celle qui aurait le plus de chances de finir en médicament. Et donc de pas en pas, en avançant dans le temps et dans ces étapes de la recherche, de la discovery pharma, à chaque fois, à chaque approximation, à chaque le taux de succès finit par être de l'ordre du pourcent. C'est-à-dire que pour 100 projets par pharma qui commencent, 100 cibles thérapeutiques qui ont été identifiées, en fait, il n'y a qu'une toute petite poignée de projets qui finissent par donner vie à des médicaments qui soignent des gens. Et ensuite, pour répondre plus précisément à votre question, en fait, il y a des phases qui sont tout à fait critiques. On dit que le taux d'attrition, le peu de taux de succès des molécules, la phase la plus critique, c'est quand on est en essai clinique. On est sur l'être humain en essai clinique. On est déjà très tard dans le processus. Très tard, très tard. On dit qu'il y a 3-4 ans de... Mais là, je fais des généralités. Évidemment, il y a tout un spectre de possibles. Il y a 3-4 ans de cette phase de recherche des meilleurs candidats et puis précliniques. Et puis ensuite, le reste, c'est beaucoup des essais cliniques, d'abord sur des gens sains, etc. etc. Je vais pas les redécrire. Mais à chacune de ces étapes, il y a un taux d'attrition, vous divisez par 3, je fais vraiment très bien sûr. À la louche. Non, mais c'est intéressant parce que ça donne des ordres de grandeur, donc c'est ça qui est intéressant. Si je dis que 1% des molécules en phase préclinique passent en essai clinique, et ensuite moins de 10% des molécules qui sont en phase 1 d'essai clinique arrivent et finissent commercialisées, à peu près. Ça vous semble des ordres de grandeur raisonnables? J'ai pas entendu. Je pense que oui. J'ai pas entendu le tout premier chiffre, mais ça me va très bien. Le premier chiffre, c'est 1% des molécules en phase préclinique passent en essai clinique, et seulement moins de 10% de molécules en phase 1, donc sur l'essai humain, finissent commercialisées. Oui. C'est pour ça. Un taux de succès global très très faible. Oui. Chloé Zenkot, vous confirmez que ces chiffres sont des ordres de grandeur. Encore une fois, évidemment, c'est très général et il y a des médicaments qui vont plus vite et d'autres médicaments qui vont beaucoup plus lentement, mais c'est des ordres de grandeur qui vous semblent cohérentes. Oui, je confirme et je rajouterai qu'il ne faut pas oublier que ensuite, même après avoir passé les essais cliniques, on a encore des médicaments qui échouent parce que des effets secondaires se révèlent tardivement. Voilà, mais ce qui était important, c'est qu'on ait un peu ce parcours-là traditionnel et dont on prend la mesure finalement des ordres de grandeur une fois de plus, des quantités de tentatives, d'essais, du temps que cela prend. Vous le disiez, on parle d'une moyenne de 2 milliards de dollars pour le développement d'un médicament sur en tout cas 10 à 12 ans. Et bien maintenant qu'on a bien ça en tête, on va pouvoir comprendre à quel moment l'intelligence artificielle peut intervenir et comment ça va bien non seulement accélérer le processus, mais peut-être aussi en réduire partiellement les coûts. We'll be right back. the commons if it will. Is the problem you're allergic to a well-familiar name? Do you have a problem with this one if the results are the same? I've seen a benefit. Yes, in a medicine. I'm a girl. Yeah, I don't make it medicine. J'espère que vous avez monté un peu le volume du poste pour écouter les White Stripes sur France Culture à 16h30. Girl, you have no faith in medicine, contrairement à nous. Nous, on a beaucoup de foi en la médecine et notamment en la création de médicaments. C'est ce dont il est question tout au long de cette heure et surtout de l'apport de l'intelligence artificielle à la création de médicaments. Nous en parlons avec Chloé Azencot, qui est chercheuse et maîtresse de conférences au Centre Bioinformatique Cébio de Mines Paris Tech en collaboration avec l'Institut Curie, avec Maximilien Levesque, qui est cofondateur et directeur d'Akemia, qui est une entreprise qui fait donc eh bien justement de la recherche de médicaments via l'intelligence artificielle, qui est également ex-directeur de recherche à l'École Normale Supérieure. Alors une fois n'est pas coutume, comme nous avions prévu cette émission de longue date bien avant le confinement, nous avons conservé, figurez-vous, un reportage. Et oui, nous allons donc pouvoir sortir de ce studio, en tout cas par le son, et aller voir dans une entreprise, qui est d'ailleurs une entreprise concurrente d'Akemia, comment se déroule la recherche en pharmacologie via l'intelligence artificielle. C'est Céline Lezen qui s'est donc rendue dans la start-up Ictos, qui a développé une technologie d'apprentissage profond pour permettre d'identifier in silico, donc dans l'ordinateur, les molécules qui répondent le mieux à un cahier des charges de projet de recherche pharmaceutique. Lorsqu'on a accès à la structure tridimensionnelle de la protéine pour laquelle on essaie de construire en fait un médicament, on est capable, avec des logiciels qu'on appelle de docking ou de modélisation moléculaire, d'évaluer si une molécule va interagir plus ou moins fortement avec cette protéine. Et nous, notre technologie de modèle génératif, dans ce cadre-là, elle trouve un terrain d'application tout à fait fertile, parce qu'en fait, on est capable de concevoir des molécules in silico qui vont d'entrée avoir des qualités chimiques. Et ça, ça ouvre la porte potentiellement à un design de molécules d'extrêmement bonne qualité et qui pourrait aller très très vite au stade du développement préclinique. On a commencé par un noyau dur de data scientist. Alors, on dit data scientist, mais nous, on manipule moins de la data que des algorithmes. Donc, ils sont appuyés par une équipe de profils plus universitaires, des postdocs, des docteurs, dans le domaine de la modélisation moléculaire. On a une équipe de data engineers. Donc là encore, ils font du flux, ils font du ce qu'on appelle des DevOps. Les DevOps, en fait, c'est ceux qui sont capables de créer des services informatiques dans un environnement soit cloud, soit distribué. C'est un petit peu les nouvelles architectures qui sont utilisées aujourd'hui pour faire du développement. Donc voilà, une équipe aussi de 5-6 personnes. On est aussi un laboratoire, c'est-à-dire qu'en fait, on développe nos propres algorithmes. Donc on est très proche du milieu de la recherche en IA, en modèle génératif. Et ça nécessite d'avoir un appui d'ingénieurs qui sont capables de mettre à disposition de la puissance de calcul. Parce que quand on parle de deep learning, on parle de calcul haute performance. Alors, on utilise des cartes graphiques, on utilise des clusters de machines. Donc on a un data center, on utilise aussi les ressources du cloud. On a besoin de tout le monde ensemble. Les fonctions chimie, les fonctions IA et les fonctions IT sont vraiment le triptyque chez tous. On peut aller voir peut-être dans le bureau structure-based. Et donc là, votre collègue est en train de rechercher dans le catalogue. Oui, tout à fait. Stéphanie est en train de projeter sur l'écran comment on peut voir en trois dimensions une molécule qui est bindée, on appelle ça bindée, dans le site actif de la protéine. En fait, une molécule peut s'apparenter à une clé. Et en fait, on regarde comment cette clé va interagir avec les différents sites et fragments acides aminés de la protéine. Alors là, quelles sont les propriétés thérapeutiques qu'on cherche à obtenir? Et c'est pour répondre à quel projet, quel type de médicament là? Donc là, on s'intéresse avant tout à l'interaction entre le ligand et la protéine, ligand la molécule en fait avec la protéine. Dans ce cas-là, on a une structure qu'on peut pas décrire parce que c'est confidentiel. Donc on s'intéresse à différentes pathologies. Il faut savoir qu'une protéine, une molécule qui va interagir avec une protéine, en fait, peut intervenir dans différentes cascades biologiques. Donc une protéine n'est pas forcément liée à une seule maladie. Vous voulez dire qu'il y a une structure type, hein, une sorte de schéma qui s'appliquerait à beaucoup de pathologies différentes ? Oui, tout à fait. Vous avez des familles de protéines qui, suivant l'interaction qu'on va avoir, vont guérir différentes maladies. Et pourtant, c'est la même protéine, mais elle va être impliquée différemment dans différents mécanismes biologiques. Alors juste pour la décrire, sans entrer dans les détails, on voit que c'est quand même une molécule très complexe, avec différents niveaux de structure, de couleurs, qui correspondent à certains caractéristiques physico-chimiques. La protéine, en général, est ce qu'on appelle une macromolécule, donc c'est un enchaînement d'acides aminés, les acides aminés étant les briques de la vie, comme on dit, donc elles sont accrochées les unes à la suite des autres, ça fait une très grande chaîne, mais cette chaîne, elle n'est pas linéaire, elle se replie, et elle forme une sorte de macromolécule dans laquelle peuvent se créer des cavités. Et ces petites cavités, en fait, ce qu'on appelle une poche, une pocket, dans laquelle on va rentrer pour essayer de changer la conformation tridimensionnelle de la protéine et donc potentiellement d'impacter son fonctionnement normal. Et en impactant son fonctionnement normal, on peut empêcher la cellule de propager certaines choses et de faire certaines actions et donc du coup tuer la cellule. Donc dans le cas d'un cancer, ça a de l'intérêt par exemple. Alors pour aboutir à ce modèle-là, vous avez rentré un certain nombre de paramètres sur la base d'une... Oui, tout à fait. En fait, ces protéines, elles peuvent se cristalliser. C'est-à-dire qu'on va... Donc, ce n'est pas nous qui le faisons, ça va être nos partenaires. Ils prennent des protéines, ils les mettent dans un petit tube à essai, on va dire. Et lentement, la protéine va cristalliser. Donc, elle va faire comme des petits morceaux de sucre ou de sel, faire des cristaux. Ces cristaux, on les prend, on les met dans une machine de rayon X. Et grâce à ça, on peut littéralement avoir la photo de la protéine en 3D. Et grâce à cette photo en 3D, on peut... finalement la transformer en 3D dans l'ordinateur. Et donc à partir de là, on peut commencer à faire des simulations et imaginer à changer la molécule qui était initialement cristallisée dedans, on l'enlève dans l'ordinateur et on en met d'autres et on regarde si elles vont avoir les bonnes interactions. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir imaginer des nouvelles molécules, des nouveaux ligands à l'intérieur de la poche de la protéine. On rentre dans le bureau des data scientists, donc c'est eux qui imaginent les algorithmes. On génère des molécules, mais notre client nous dit, mais oui, c'est bien joli, mais il va falloir la créer après, et puis on n'a pas d'imprimante 3D pour les molécules aujourd'hui, hein, faut faire des réactions chimiques. Et voilà, Hamza, c'est typiquement, voilà, c'est ce qu'on fait chez Ictos. Hamza a étudié les papiers, notamment des papiers dans Nature, et on travaille sur l'amélioration de ces papiers, la mise en production aussi de ces algorithmes, parce que ça demande de la puissance de calcul. Si on se projette vraiment beaucoup plus loin, notre partenariat avec le Stanford Research Institute, c'est imaginer la pharma de demain, c'est-à-dire aujourd'hui, ils sont capables d'avoir des robots qui synthétisent automatiquement et qui testent automatiquement des molécules. Hein. Quand on dit des robots, c'est des pipettes mécaniques. Hein. Donc là, si on connecte nos modèles prédictifs à cette machine et à leur outil de rétrosynthèse, là, on peut imaginer d'avoir une pharmacie in the box, c'est-à-dire vraiment tout automatisé, du test à la synthèse, au modèle génératif, donc tout le circuit finalement de la pharma. Mais bon, ça, on en est qu'aux prémices, mais je pense que c'est l'avenir de la pharma. Comme c'est bon de repartir en reportage et de suivre, eh bien, un peu de sortir de ce studio pour entendre, eh bien, comment on travaille sur le terrain, sur la paillasse, dans les laboratoires. C'était le reportage donc de Céline Lozen dans cette start-up Ictos qui travaille, comme vous venez de l'entendre, sur des technologies d'apprentissage profond. Je vais vous demander simplement l'un et l'autre une réaction à ce que vous voulez entendre et aux différents process de travail qui ont été expliqués dans ce reportage. Chloé Azencot. Écoutez, enfin, donc, ce qui est décrit, c'est, on a à la fois du très classique, hein, donc, enfin, ça, c'est d'ailleurs des éléments qu'on avait déjà discutés avant le reportage sont revenus. Et puis, on a ces aspects, donc, d'utiliser, effectivement, de l'apprentissage profond à toutes les étapes. Ces choses très nouvelles de faire de la génération de molécules. Qui doivent être à la fois être un médicament et puis être accessible en synthèse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable de les synthétiser. Donc c'est une mise ensemble de beaucoup de briques qui sont en gestation depuis un certain temps dans cette communauté. Maximilien Levesque. Je partage l'analyse de Chloé. Je trouve que ça pousse à rester humble, ce rappel du, au bout du compte, ce qui sort de ces algorithmes doit être synthétisé, testé sur des cellules, sur des animaux, puis sur des humains. Ce n'est qu'un bout du chemin. Il y a de l'intelligence artificielle, enfin de la digitalisation qu'on peut imaginer partout, de l'identification de la cible thérapeutique jusqu'aux essais cliniques, en passant justement au modèle génératif. Ce que j'aimerais rajouter, que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, générer de nouvelles molécules, inventer de nouvelles molécules, ça suffit donc pas. Et il faut savoir prédire les propriétés. Le challenge est presque plus dans la génération, c'est-à-dire qu'il faut maintenant savoir prédire, avant de synthétiser, de tester, si ce qui a été généré a du sens, va se coller oui ou non à la cible thérapeutique, va être donc actif, va être toxique, va être synthétisable, etc., etc. J'aimerais justement qu'on lève un peu le capot de l'ordinateur, qu'on regarde un peu à l'intérieur, pas tant dans les circuits, mais dans les méthodes de fonctionnement. Aujourd'hui, Maximilien Levesque, concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que on est vraiment à l'étape, au point zéro de départ d'un projet. Comment est-ce que vous en emparez ? Comment vous avez un cahier des charges ? Comment est-ce que vous allez commencer à travailler ? Comment est-ce que vous allez commencer à travailler, à configurer vos machines pour répondre justement à ce cahier des charges et à cet appel à projet? Alors, si vous permettez, je vais vous expliquer juste en fait les deux grandes briques qu'il y a dans Akemia. Bien sûr. Qui permettent d'avancer dans le projet. Et le point de départ, vous l'avez dit, c'est la cible thérapeutique, cette protéine responsable un moment dans le mécanisme d'une maladie. Une fois qu'on l'a, chez Akemia, on met deux choses face à face. D'abord, ce module de génération de nouvelles molécules. Et puis face à lui, un module qui justement, et c'est ça qui est au cœur d'Akemia et qui vient de la recherche à l'ENS, c'est un module qui sait prédire si, pardon pour la simplification, si oui ou non, c'est une molécule intéressante. Et on fait parler les deux. Le générateur invente de nouvelles molécules et le prédicteur lui répond non, c'est inutile. Il invente une nouvelle génération de molécules et le prédicteur lui dit « Ah, tu es sur le bon chemin ». Etc., etc. Donc vous voyez, il y a vraiment ces deux briques qui discutent pour, in fine, générer la molécule la plus utile possible, la plus efficace possible, la moins toxique possible, la plus synthétisable, etc., etc., etc. Et alors, donc pour répondre à... Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Justement, ce générateur et ce prédicteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment sur quel type de mécanique il fonctionne ? C'est-à-dire que le générateur, il va se structurer par rapport à quel type d'éléments, par rapport à quel type d'informations dont il dispose, et le prédicteur, de l'autre côté, quel va être ces filtres qui vont lui permettre de lui dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Alors, pour ce qui est du générateur, et on viendra avec plaisir sur le prédicteur après, pour ce qui est du générateur, pour vous donner une idée en fait de comment ça fonctionne, tout le monde a déjà vu des intelligences artificielles qui génèrent du texte, des phrases ou du parler. Et en fait, l'idée... Alors, déjà, chez Akemia, on utilise beaucoup de techniques de génération différentes qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients, qu'on met les unes par rapport aux autres. Mais donc, je vais vous illustrer une qu'on a issue, qu'on a pris dans le ce qui s'appelle le NLP, le Natural Language Processing, c'est-à-dire le monde de l'intelligence artificielle pour le texte. Imaginez-vous que les molécules, en fait, c'est ni plus ni moins que des mots avec un enchaînement de mots, chaque mot étant en fait un atome, une molécule c'est un carbone, un C, puis ensuite un oxygène, puis ensuite un hydrogène, etc., etc. Et il existe des bases de données de mots qui sont des molécules et qu'on peut appeler des dictionnaires de molécules. Et en fait, on peut apprendre à l'ordinateur, avec des techniques donc de NLP, à reconnaître... Ce qui fait qu'un mot a l'air d'un mot français ou d'un mot qui est une bonne molécule et de reconnaître finalement après un début d'enchaînement de mots, quel est le bon mot qui fera une belle phrase après. Et en fait, on a récupéré ce genre d'algorithme pour générer des molécules qui ont l'air, mais qui ont seulement l'air, qui ont l'air d'être des molécules intéressantes. Ça ressemble à des vraies molécules. comme un texte, vous pouvez dire ça ressemble à du français. Je ne peux pas vous l'assurer, mais ça ressemble. Donc ça, c'est pour la partie génération. Pour la partie prédiction, alors là, il y a plein de techniques qui ont été développées depuis de nombreuses années, depuis les années 80, 90, depuis l'avènement un peu de l'informatique. Et donc, c'est ce qu'on appelle les techniques de docking et de screening, dont on a parlé tout à l'heure. Et ce qui est vraiment important, c'est la capacité à prédire assez rapidement pour parler avec le générateur, parce que le générateur, il peut vous sortir des millions de nouvelles molécules à la minute. Donc, il faut que le prédicteur puisse assurer le débit et qu'en même temps, il soit très précis. Parce que si vous faites un retour idiot au générateur, il ne peut pas générer de meilleures molécules à chaque fois. Il finit par diverger, donner n'importe quoi. Donc, c'est vraiment ce couplage entre... Le principe de l'apprentissage. C'est le principe de l'apprentissage. Si vous apprenez, enfin c'est toujours les mêmes exemples. Si vous apprenez à un joueur d'échecs, enfin à une IA qui joue aux échecs, une fois sur deux ou 9 fois sur 10, en le laissant faire des coups qui sont interdits, vous n'avez aucune chance qu'elle finisse par apprendre à jouer correctement. Et c'est tout le challenge aujourd'hui. D'ailleurs, enfin c'est la proposition de valeur intime d'Akemia. C'est ça qui vient de l'ENS. C'est comment on prédit vite et précisément la capacité, entre autres, à se lier à la cible thérapeutique. C'est ce qui est assez passionnant, hein, je dois avouer, c'est justement notamment sur cette partie générateur, de voir que ce sont des machines qui sont très proches finalement, Cloisenco, d'algorithmes linguistiques, hein, puisque c'est vraiment comme dans la reconnaissance de langage naturel, l'idée de dire, voilà, par exemple, il suffit de rajouter un tout petit bout dans une phrase, un nœud, et d'un seul coup, eh bien, le sens complet de la phrase va changer. Et ça fait partie des choses qu'apprennent justement ce type d'algorithme de reconnaissance du langage naturel. Là, pour ce qui est justement de ces algorithmes de type générateur, bien c'est un peu la même chose. On dit, si par exemple là tu mets un carbone, ça va changer complètement la fonction de la molécule. C'est un peu comme ça que ça fonctionne ? Oui, c'est un peu l'idée. Peut-être l'autre analogie que j'aime bien, je veux pas dire la place de Maximilien ce qu'il fait, mais c'est on a aussi des IA qui génèrent des tableaux dans le style 2. Ouais. Ou des photos dans le style 2, et c'est la même chose, c'est on montre à l'IA suffisamment de donc de molécules dans le style du médicament pour que le même type de réseau de neurones qui ensuite génère des tableaux soit capable de générer des molécules. Et ça veut dire peut-être pour alors, oui, bien sûr, allez-y, je vous en prie. Mais peut-être pour rentrer un petit peu plus dans les détails, un ensemble de techniques qu'on peut utiliser, quand on parlait tout à l'heure d'une molécule, c'est un carbone suivi d'un carbone, etc. En fait, une molécule, c'est un graphe. C'est-à-dire que des fois, c'est pas linéaire, quoi. Des fois, il y a des cycles, il y a des branches. Et les graphes, c'est des objets mathématiques qu'on connaît très bien et l'étude informatique des graphes va de pair avec l'avancée de l'étude informatique de la chimie. Et on peut utiliser les mêmes techniques de réseaux de neurones qu'on appelle convolutionnels, qui permettent d'étudier des images en les étudiant petite fenêtre par petite fenêtre pour étudier des graphes petit sous-graphe par petit sous-graphe. Et au niveau de justement de l'apprentissage, puisqu'on parlait d'apprentissage automatique, est-ce que du côté du générateur, il y a aussi une forme d'apprentissage, vous le disiez, de tableau à la manière d'eux, ou alors pour parler d'un exemple plus précis ou en tout cas plus courant pour les gens, quand on vous demande si on n'est pas un robot, en fait on entraîne des intelligences artificielles à reconnaître des voitures, des passages piétons, des feux rouges, des bandes d'incendie, etc. Est-ce que de la même façon, vous entraînez ces machines à reconnaître des fonctions biologique, c'est-à-dire de dire, vous voyez là, cette terminaison-là, ce petit bout-là, ça se lie à tel type de récepteur, etc. Ou est-ce que c'est une autre étape d'un autre moment de la génération de médicaments, Maximilien Levesque ? Alors c'est pas si simple que ça, malheureusement. C'est-à-dire que comme je le disais très très très justement, la journaliste dans le reportage, elle s'étonnait de la complexité de la protéine, c'est-à-dire du verrou dans lequel on essaye de poser la molécule, peut-être candidate médicament. En fait, toutes les protéines sont composées des mêmes acides aminés et l'arrangement infiniment complexe, c'est la beauté de la biologie, que infiniment complexe fait qu'on peut pas simplement dire, on aimerait, hein, mais on peut pas simplement dire, là il y a tel type d'acide aminé, donc c'est tel type de fonction chimique qu'il faut sur la molécule et reconstruire comme ça la molécule. En fait, les gens ont beaucoup essayé hein, ce genre de méthode. Mais enfin voilà, c'est aujourd'hui on en est plus. Ce qui est intéressant, pardon, ce que je voudrais dire, c'est que la position des atomes de la cible en fait thérapeutique de cette protéine dans l'espace, là-dedans il y a une information d'une très très grande richesse, et de pouvoir se dire, en fait, est-ce que vous parliez de structure based tout à l'heure? Oui. On a la structure de la protéine et on essaye de générer la molécule, la petite molécule optimale, c'est-à-dire au premier ordre d'énergie libre de liaison ou d'affinité optimale pour cet arrangement local dans la poche de la protéine des atomes. Enfin voilà, c'est très fin et très complexe. Et c'est un processus. Il faut tester de nouveau des centaines de milliers ou des millions de petites clés avant de trouver celle qui, ah oui, celle-là, elle s'attache, et c'est là qu'on regarde, et c'est là qu'on se dit, ah, mais en effet, là, il y a une fonction qui interagit avec une autre, etc., etc. Mmh. Et ce qui est très puissant, c'est que c'est avec ce regard, en fait, de physicien, hein, ou de chimiste, ou de biologiste, enfin, très, très physique, très, très, la position des atomes, et comment je fais un calcul rigoureux à partir de cette position des atomes, qu'on maximise les chances de trouver une clé, c'est-à-dire un candidat médicament d'intérêt et qui va passer toutes les étapes de la recherche de médicaments et finir par soigner quelqu'un. Mais alors, vous parlez là, on l'a évoqué et on l'a entendu aussi un petit peu dans le reportage tout à l'heure, peut-être que c'est intéressant de préciser ces deux stratégies qui sont deux stratégies différentes, qui sont celles que vous venez d'évoquer, la stratégie qu'on appelle structure-based, et l'autre stratégie qu'on entendait tout à l'heure, il me semble, à demi-mot dans le reportage, qui est l'inverse, qui est la stratégie ligand-based. Qu'est-ce que c'est que ces deux stratégies et de quoi on parle exactement, Maximilien Levesque? Alors, la stratégie ligand-based, c'est une stratégie où, en fait, on arrive assez tard dans un projet pharma, c'est-à-dire que on a déjà identifié une cible thérapeutique. Des chimistes ont déjà synthétisé des dizaines, des centaines, en fait, de molécules qu'ils trouvent à chaque fois un peu plus active, un peu moins toxique, etc. Et on remplit un tableau Excel avec ces 500 molécules qu'on vient de synthétiser. On apprend les motifs, les patterns qui font que ces molécules ont l'air d'être plus actives quand elles ont plus de cycles. Bref, on apprend de ces 500 data points. Et puis on essaye d'inférer la data point suivante. Donc en fait, ça c'est un process, c'est une méthode qui ne peut arriver que loin dans un projet pharma, une fois qu'on a déjà fait plein de synthèses, et c'est une méthode pour guider les synthèses suivantes. Mm-hmm. Le structure based, lui, est très différent. C'est-à-dire on part de la structure tridimensionnelle de la cible thérapeutique et de la position des atomes. Si on peut faire un calcul physique, alors on est capable tout de suite, sans synthèse, de commencer à tester de nouvelles molécules. Mmh. Un mot peut-être pour compléter, pour qu'on comprenne bien la différence entre ces deux approches, Chloé Azencot. Oui, alors peut-être pas pour compléter justement avec d'autres possibilités. On peut aussi envisager. En gros, là, l'idée, c'est est-ce qu'on a la protéine cible, on la connaît bien, on connaît bien sa structure. On va chercher quelle est la petite molécule qui va bien se lier à elle. Donc ça, c'est le structure-based. Le ligand-based, c'est on a une librairie de molécules qu'on a identifiées comme étant de bonne qualité. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser et extraire de cet ensemble de molécules celle qui va vraiment le mieux marcher? Je voulais aussi évoquer que les algorithmes d'apprentissage automatique permettent de faire quelque chose d'un peu entre les deux, qui consiste à faire de la prédiction étant donné une protéine et étant donné une molécule, est-ce que c'est une paire qui se lie bien l'une à l'autre ou non? Et l'avantage de ce genre d'approche, c'est que on peut utiliser pour faire cet apprentissage, on peut utiliser en fait des paires de protéines et molécules qui sont déjà connues, qui sont des médicaments dont on connaît le mécanisme d'action, pour créer un jeu de données plus large, puisque c'est toujours la même chose en apprentissage automatique, plus on a de données, mieux on apprend. Et donc quand on n'a pas encore accumulé beaucoup de données sur un projet, ça peut être assez intéressant de faire ce genre d'utiliser ce genre de technique. Mais alors du coup, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit, puisque vous disiez à l'instant, Maximilien Levesque, que sur une approche structure-based, donc on part d'une connaissance tridimensionnelle justement de la cible de la protéine que l'on cherche à cibler le mieux possible. Et pour autant, si j'ai bien compris, et peut-être que j'ai mal compris, donc vous allez m'expliquer. sur le générateur, puisque ce sont des outils qui sont proches d'algorithmes linguistiques, on a le sentiment que le générateur, il traite l'information de façon totalement linéaire, c'est-à-dire monodimensionnelle et pas du tout en trois dimensions, ou au contraire, est-ce qu'il y a une notion justement de tridimensionnalité dans la façon dont bien ces mots d'atomes en fait sont composés par le générateur? Alors non, en fait, vous avez très très bien compris, il y a une contradiction là-dedans qui est intime au in silico drug discovery. Qu'on résout dans Akemia, et c'est, enfin, encore une fois, c'est là tout le cœur de la chose, c'est que on peut générer des molécules, et ensuite il faut à un moment repasser à de la physique, à la position des atomes dans l'espace. Et c'est pour ça que nous, la prédiction, si vous voulez, qu'on met face à la génération, se fait vraiment en 3D. C'est donc pour dire le cycle, on génère une molécule très linéaire, comme vous dites, qui est une suite de caractères CO, ce que vous voulez. On la transforme en 3D. On la pose dans la poche de la protéine, cible thérapeutique. Et c'est, le mot technique, c'est on la dock, on fait du docking, on la pose dans la poche. Et c'est à ce moment-là que nos algorithmes basés sur de la physique peuvent, parce que c'est de la physique, sans s'entraîner sur de la data passée, peuvent prédire si oui ou non la molécule est bien là dans la poche. Et bien là dans la poche, je veux être hyper clair, c'est que ça veut dire que ingéré, le petit médicament va venir se mettre dans la protéine, bloquer le mécanisme responsable de la maladie. Et par exemple contre sur SARS-CoV-2, une des cibles thérapeutiques, pour mettre des mots, une des cibles thérapeutiques, c'est la main protéase responsable de la reproduction du matériel génétique du virus dans la cellule. D'accord. Et trouver une petite molécule qui vient en 3D et se poser, se docker dans la main protéase, ça l'empêche de jouer son rôle et de faire que le virus se reproduit dans la cellule. Ça, c'est l'une des cibles thérapeutiques qui vise un mécanisme de reproduction, parce que ça pourrait être tout aussi bien de viser les récepteurs ACE2 à la surface des cellules cibles. Ça pourrait être justement bloquer la protéine spike ou les différentes petites protéines qui viennent la cliver pour lui permettre de rentrer. Enfin, voilà, il y a plusieurs portes d'entrée. Exactement. Vous n'allez pas m'avoir sur SARS-CoV-2, ça fait 3 mois que j'y suis. Je suis incalable. Non, je plaisante bien sûr. Il me manque beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances encore. Non, mais c'est intéressant, peut-être un mot là-dessus, justement, sur ce problème de la tridimensionnalité, parce qu'on sait bien, Chloé Zenkot, que on peut avoir la bonne la bonne séquence atomique, on peut avoir vraiment tout sur le papier de manière absolument exacte, mais si la protéine n'est pas bien foldée, si elle n'est pas bien repliée, si elle n'est pas dans la bonne configuration spatiale, à ce moment-là, elle ne sert à rien. Est-ce que là aussi, l'intelligence artificielle a un rôle important à jouer? Oui, alors peut-être pour revenir encore un peu sur cette distinction entre 3D et séquence de la protéine, la modélisation 3D basée sur la physique fine et qui revient des calculs intensifs, elle est essentielle. Mais effectivement, comme on l'a déjà évoqué, on peut arriver à, en gros, débroussailler un peu le champ en se basant sur la séquence de la protéine. Parce que finalement, la conformation en 3D de la protéine, elle est déterminée majoritairement par la séquence. Sauf protéine mal foldée. Mais quand une protéine se replie et prend la structure qu'elle a de manière normale, tout ça vient de la séquence et de la physique sous-jacente qui fait que tel acide aminé va avoir plutôt tendance à se mettre comme ça et s'il y a une liaison qui tourne ou non. Et ce qui fait qu'on peut en fait faire tout une première étape de débroussaillage en utilisant uniquement la séquence de la protéine on a pas mal de travaux là-dessus où on utilise la représentation graphe moléculaire pour les petites molécules et la représentation séquence uniquement pour les protéines, qui est une étape qui permet de débroussailler avant un travail plus précis sur la structure 3D. Ensuite, effectivement, la détermination de la structure 3D de la protéine, c'est une question très compliquée aussi. En particulier parce que la structure 3D de la protéine, quand elle est cristallisée, c'est-à-dire précipitée sous forme solide, c'est pas nécessairement celle qu'il y a dans nos cellules quand elle est dans un milieu liquide, où là en fait elle bouge. Bien sûr. Et une des utilisations de l'IA qu'on peut avoir ici, c'est d'utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour générer non pas une seule conformation qui est celle qu'on observe par rayon X et des techniques de cristallographie qu'on observe sous forme solide, mais pour connaître toutes les conformations qu'elle peut prendre quand elle est dans une cellule. Les gens qui ont joué à Fold It en auront des souvenirs émus d'heures à plier des protéines. On arrive vraiment à la toute fin de cette émission. En un mot pour conclure, Maximilien Levesque, aujourd'hui, vous avez besoin de machines qui sont des machines vraiment très très lourdes, très performantes. Quel est le rendu de vos travaux en termes de réduction de temps et de coûts sur la recherche d'un médicament, mais vraiment en quelques mots? En quelques mots, on est capable aujourd'hui de faire, justement, pas sur des énormes machines, puisqu'on est capable de prédire 10 000 fois plus vite et à précision quasi expérimentale l'affinité d'un médicament d'une molécule sur une protéine. On pense qu'on est capable et de façon très précise, on pense qu'on est capable de réduire d'un ordre de grandeur le nombre de tests de synthèse inutiles. Et donc de réduire les temps aussi de la discovery. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'être venus nous parler de cette recherche de médicaments, de pharmacologie par intelligence artificielle. Merci Chloé Azencot, merci Maximilien Levesque, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne et Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger aujourd'hui à la technique. Demain, nous reviendrons, pour changer, sur la pandémie de Covid, pour interroger la façon dont les médias l'ont traité, médias généralistes, médias scientifiques, également, comment accompagner la recherche et les travaux scientifiques en pleine crise sanitaire. C'est un travail complexe, je peux vous en parler. On en parle en tout cas demain avec nos invités autour de la table à 16h et on se retrouve évidemment comme tous les matins à 8h55 pour la radiographie du coronavirus, jusqu'à preuve du contraire.